dit t'as ta place à prendre. Tu rappes mieux que les Zoulous qui rappent à 30. Je suis le reflet de ton oncle qui baisse ta tente. Les meufs te ramènent sur le terrain à Satan. Elles ont les 1 sans prendre comme les attaquants. On vit dans le paraître, les petits vendent des barrettes. On apprend à faire une baguette avec les miettes. Rien nous arrête, le chétan nous allait. Autant de sang que de vodka dans Mathusalem. On est dans le péché quand un frère veut nous faire un rappel. On est toujours pressé. Ma foi est blessée, elle porte une latelle. À peine la vingtaine, mon ange droit est stressé. Tu me parles de rap game, on pas l'air clair, oui. On incite à la haine comme ça, il take ma oui. Tu me parles de chienne, m'en pas l'air clair, oui. Ils insistent à la fête, on les tège la nuit. Ton pote le rappeur, pas très fédérateur. Il sera prêt le jour de sa mort dans le congélateur. Ton pote le rappeur, pas très fédérateur. Il sera prêt le jour de sa mort dans le congélateur. H la frappe, incomparable. Je suis chaud comme l'été ou le printemps arabe. H la frappe, incomparable. Parce que cette année, la victoire sera mienne. Le jack sera mien, de la frappe en la mer, c'est la mer, où le quartier s'en mêle. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. La victoire sera mienne, le jack sera mien, sa meuf sera mère. Merci qui, merci Jackie Michel. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. Vite comme le spermatozoïde, pénètre le FN avec l'huile d'olive. Vous puez la défaite pour rester poli. Une analphabète s'en sortira au lit. Ton mec veut te voir dans un seul intérêt. Il annule à sa Valentin si t'as tes règles. T'as loué la MG, rangé le Clio. Que Dieu te préserve, la réserve et clignote. T'as dit que c'était une meuf bien sitôt. Ton talent cette fois sur son clito. Brasse les fluos, pète le veuve clico. On ne passe pas le VIP avec Pasta Vigo. La cité va nous wet. Allo oui, allo wesh. On va tous les wet. Mes renois sont très sombres, dans des vies de tâter. Mes rebeux sont dans le hall, à tenir le raté. Ça vient d'épiner, attentat dans le game sans laisser ma pièce d'identité. Ça vient d'épiner, attentat dans le game sans laisser ma pièce d'identité. H la frappe, incomparable. Je suis chaud comme l'été ou le printemps arabe. H la frappe, incomparable. Parce que cette année, la victoire sera mienne. Le jack sera mien. De la frappe en la mer. Tout le quartier s'en mêle. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. La victoire sera mienne. Le jack sera mien. Ta meuf sera mère. Merci qui, merci Jackie Michel. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. Le liquide sera chef, le liquide sera chef, le liquide sera chef. T'as le corps du notari, donc faut revoir tes tarifs. Fuck le communautarisme. J'ai des frères mauritaniens. Le rap est un métier à risque.